En quittant sur les 9 heures du soir les hauteurs de Studzianka, qu'il avait défendu pendant toute la journée du 28 novembre 1812, le maréchal Victor y laissa un millier d'hommes chargés de protéger jusqu'au dernier moment celui des 2 ponts construits sur la Bérézina qui subsistait encore. Cette arrière-garde s'était dévouée pour tâcher de sauver une effroyable multitude de traînards engourdis par le froid qui refusaient obstinément de quitter les équipages de l'armée. L'héroïsme de cette généreuse troupe devait être inutile. Les soldats qui affluaient par masse sur les bords de la Bérézina y trouvaient, par malheur, l'immense quantité de voitures, de caissons et de meubles de toute espèce que l'armée avait été obligée d'abandonner en effectuant son passage pendant les journées des 27 et 28 novembre. Hérités de richesses inespérées, ces malheureux, abrutis par le froid, se logeaient dans les bivouacs vides, brisaient le matériel de l'armée pour se construire des cabanes, faisaient du feu avec tout ce qui leur tombait sous la main, dépeçaient les chevaux pour se nourrir, arrachaient le drap ou les toiles des voitures pour se couvrir, et dormaient au lieu de continuer leur route et de franchir paisiblement pendant la nuit cette Bérézina qu'une incroyable fatalité avait déjà rendue si funeste à l'armée. L'apathie de ces pauvres soldats ne peut être comprise que par ceux qui se souviennent d'avoir traversé ces vastes déserts de neige, sans autre boisson que la neige, sans autre lit que la neige, sans autre perspective qu'un horizon de neige, sans autre aliment que la neige ou quelques betteraves gelées, quelques poignées de farine ou de la chair de cheval. Mourant de faim, de soif, de fatigue et de sommeil, ces infortunés arrivaient sur une plage où ils apercevaient du bois, des feux, des vivres, d'innombrables équipages abandonnés, des bivouacs, enfin toute une ville improvisée. Le village de Studzianka avait été entièrement dépecé, partagé, transporté des hauteurs dans la plaine. Quelque dolente et périlleuse que fût cette cité, ses misères et ses dangers souriaient à des gens qui ne voyaient devant eux que les épouvantables déserts de la Russie. Enfin, c'était un vaste hôpital qui n'eut pas 20 heures d'existence. La lassitude de la vie ou le sentiment d'un bien-être inattendu rendait cette masse d'hommes inaccessible à toute pensée autre que celle du repos. Quoique l'artillerie de l'aile gauche des Russes tirât sans relâche sur cette masse qui se dessinait comme une grande tache, tantôt noire, tantôt flamboyante, au milieu de la neige, ces infatigables boulets ne semblaient à la foule engourdie qu'une incommodité de plus. C'était comme un orage dont la foudre était dédaignée par tout le monde parce qu'elle devait n'atteindre, çà et là, que des mourants, des malades ou des morts, peut-être. À chaque instant, les traînards arrivaient par groupes. Ces espèces de cadavres ambulants se divisaient aussitôt et allaient mendier une place de foyer en foyer. Puis, repoussés le plus souvent, ils se réunissaient de nouveau pour obtenir de force l'hospitalité qui leur était refusée. Sourds à la voix de quelques officiers qui leur prédisaient la mort pour le lendemain, ils dépensaient la somme de courage nécessaire pour passer le fleuve, à se construire un asile d'une nuit, à faire un repas souvent funeste. Cette mort qui les attendait ne leur paraissait plus un mal, puisqu'elle leur laissait 1 heure de sommeil. Ils ne donnaient le nom de mal qu'à la faim, à la soif, au froid. Quand il ne se trouva plus ni bois, ni feu, ni toile, ni abri, d'horribles luttes s'établirent entre ceux qui survenaient dénués de tout et les riches qui possédaient une demeure. Les plus faibles succombèrent. Enfin, il arriva un moment où quelques hommes, chassés par les Russes, n'eurent plus que la neige pour bivouac, et s'y couchèrent pour ne plus se relever. Insensiblement, cette masse d'êtres presque anéantie devint si compacte, si sourde, si stupide, ou si heureuse peut-être, que le maréchal Victor, qui en avait été l'héroïque défenseur en résistant à 20 000 Russes commandés par Wittgenstein, fut obligé de s'ouvrir un passage de vive force à travers cette forêt d'hommes afin de faire franchir la Bérézina aux 5 000 braves qui l'amenaient à l'empereur. Ces infortunés se laissaient écraser plutôt que de bouger et périssaient en silence, en souriant à leurs feux éteints et sans penser à la France. À 10 heures du soir seulement, le duc de Bellune se trouva de l'autre côté du fleuve. Avant de s'engager sur les ponts qui menaient à Zembin, il confia le sort de l'arrière-garde de Studzianska à Eblé, ce sauveur de tous ceux qui survécurent aux calamités de la Bérézina. Ce fut environ vers minuit que ce grand général, suivi d'un officier de courage, quitta la petite cabane qu'il occupait auprès du pont et se mit à contempler le spectacle que présentait le camp situé entre la rive de la Bérézina et le chemin de Borisov à Studzianka. Le canon des Russes avait cessé de tonner. Des feux innombrables, qui au milieu de cet amas de neige, pâlissaient et semblaient ne pas jeter de lueur, éclairaient çà et là des figures qui n'avaient rien d'humain. Des malheureux, au nombre de 30 000 environ, appartenant à toutes les nations que Napoléon avait jetées sur la Russie, étaient là, jouant leur vie avec une brutale insouciance. « Sauvons tout cela, » dit le général à l'officier. « Demain matin, les Russes seront maîtres de Studienka. Il faudra donc brûler le pont au moment où ils paraîtront. Ainsi, mon ami, du courage. Fais-toi jour jusqu'à la hauteur. » Dis au général Fournier qu'à peine a-t-il le temps d'évacuer sa position, de percer tout ce monde et de passer le pont. Quand tu l'auras vu se mettre en marche, tu le suivras. Aidé par quelques hommes valides, tu brûleras sans pitié les bivouacs, les équipages, les caissons, les voitures, tout. Chasse ce monde là sur le pont. Contraint tout ce qui a deux jambes à se réfugier sur l'autre rive. L'incendie est maintenant notre dernière ressource. Si Berthier m'avait laissé détruire ces damnés équipages, ce fleuve n'aurait englouti personne que mes pauvres pontonniers, ces 50 héros qui ont sauvé l'armée et qu'on oubliera. » Le général porta la main à son front et resta silencieux. Il sentait que la Pologne serait son tombeau et qu'aucune voix ne s'élèverait en faveur de ces hommes sublimes qui se tinrent dans l'eau de la Bérézina, pour y enfoncer les chevalets des ponts. Un seul d'entre eux vit encore, ou pour être exact, souffre dans un village ignoré. L'aide de camp partit. À peine ce généreux officier avait-il fait 100 pas sur Studienka, que le général Eblé réveilla plusieurs de ses pontonniers souffrants et commença son œuvre charitable en brûlant les bivouacs établis autour du pont et obligeant ainsi les dormeurs qui l'entouraient à passer la Bérézina. Cependant, le jeune aide de camp était arrivé, non sans peine, à la seule maison de bois qui fut restée debout à Studienka. « Cette baraque est donc bien pleine, mon camarade, » dit-il à un homme qu'il aperçut en dehors. « Si vous y entrez, vous serez un habile troupier, » répondit l'officier sans se détourner et sans cesser de démolir avec son sabre le bois de la maison. « Est-ce vous, Philippe ?» dit l'aide de camp, en reconnaissant au son de la voix l'un de ses amis. « Oui. Ah, c'est toi, mon vieux ?» répliqua M. de Sucy en regardant l'aide de camp, qui n'avait comme lui que 23 ans. « Je te croyais de l'autre côté de cette sacrée rivière. Viens-tu nous apporter des gâteaux et des confitures pour notre dessert? Tu seras bien reçu » ajouta-t-il en achevant de détacher l'écorce du bois qu'il donnait en guise de provende à son cheval. « Je cherche votre commandant pour le prévenir de la part du général Eblé de filer sur Zembin. Vous avez à peine le temps de percer cette masse de cadavres que je vais incendier tout à l'heure afin de les faire marcher. » « Tu me réchauffes presque. Ta nouvelle me fait suer. J'ai 2 amis à sauver. Ah, sans ces 2 marmottes, mon vieux, je serais déjà mort. C'est pour eux que je soigne mon cheval et que je ne le mange pas. Par grâce, as-tu quelques croûtes? Voilà 30 heures que je n'ai rien mis dans mon coffre et je me suis battu comme un enragé afin de conserver le peu de chaleur et de courage qui me reste. Pauvre Philippe, rien, rien. Mais votre général est là. N'essaie pas d'entrer. Cette grange contient nos blessés. Monte encore plus haut. Tu rencontreras sur ta droite une espèce de toit à port. Le général est là. Adieu, mon brave. Si jamais nous dansons la traînée sur un paquet de Paris. » Il n'acheva pas. La bise souffla dans ce moment avec une telle perfidie que l'aide de camp marcha pour ne pas se geler et que les lèvres du major Philippe se glacèrent. Le silence régna bientôt. Il n'était interrompu que par les gémissements qui partaient de la maison et par le bruit sourd que faisait le cheval de M. de Sucy, en broyant, de faim et de rage, l'écorce glacée des arbres avec lesquels la maison était construite. Le major remit son sabre dans le fourreau, prit brusquement la bride du précieux animal qu'il avait su conserver, et l'arracha, malgré sa résistance, à la déplorable pâture dont il paraissait friand. « En route, Bichette, en route !» « Il n'y a que toi, ma belle, qui puisse sauver Stéphanie. Bah, plus tard, il nous sera permis de nous reposer, de mourir sans doute. » Philippe, enveloppé d'une pelisse à laquelle il devait sa conservation et son énergie, se mit à courir en frappant de ses pieds la neige durcie pour entretenir la chaleur. À peine le major eut-il fait 500 pas, qu'il aperçut un feu considérable à la place où, depuis le matin, il avait laissé sa voiture sous la garde d'un vieux soldat. Une inquiétude horrible s'empara de lui. Comme tous ceux qui, pendant cette déroute, furent dominés par un sentiment puissant, il trouva, pour secourir ses amis, des forces qu'il n'aurait pas eues pour se sauver lui-même. Il arriva bientôt à quelques pas d'un pli formé par le terrain, et au fond duquel il avait mis à l'abri des boulets une jeune femme, sa compagne d'enfance et son bien le plus cher. À quelques pas de la voiture, une trentaine de traînards étaient réunis devant un immense foyer qu'ils entretenaient en y jetant des planches, des dessus de caissons, des roues et des panneaux de voiture. Ces soldats étaient sans doute les derniers venus de tous ceux qui, depuis le large sillon décrit par le terrain au bas de Studianka jusqu'à la fatale rivière, formaient comme un océan de têtes, de feux, de baraques, une mer vivante, agitée par des mouvements presque insensibles, et d'où il s'échappait un sourd bruissement, parfois mêlé d'éclats terribles. Poussés par la faim et par le désespoir, ces malheureux avaient probablement visité de force la voiture. Le vieux général et la jeune femme qu'ils y trouvèrent couchés sur des hardes, enveloppés de manteaux et de pelisses, gisaient en ce moment accroupis devant le feu. L'une des portières de la voiture était brisée. Aussitôt que les hommes placés autour du feu entendirent les pas du cheval et du major, il s'éleva parmi eux un cri de rage inspiré par la faim. « Un cheval! Un cheval !» Les voix ne formèrent qu'une seule voix. « Retirez-vous! Gare à vous !» s'écrièrent deux ou trois soldats en ajustant le cheval. Philippe se mit devant sa jument en disant « Gredin, je vais vous culbuter tous dans votre feu. Il y a des chevaux morts là-haut, allez les chercher. » « Est-il farceur, cet officier-là ? » « Une fois, deux fois, te déranges-tu ? » répliqua un grenadier colossal. « Non ? Eh bien, comme tu voudras, alors. » Un cri de femme domina la détonation. Philippe ne fut heureusement pas atteint, mais Bichette, qui avait succombé, se débattait contre la mort. Trois hommes s'élancèrent et l'achevèrent à coups de baïonnette. « Cannibale ! Laissez-moi prendre la couverture et mes pistolets !» dit Philippe au désespoir. « Bas pour les pistolets !» répliqua le grenadier. Quant à la couverture, voilà un fantassin qui depuis 2 jours n'a rien dans le fanal et qui grelotte avec son méchant habit de vinaigre. C'est notre général. Philippe garda le silence en voyant un homme dont la chaussure était usée, le pantalon troué en 10 endroits et qui n'avait sur la tête qu'un mauvais bonnet de police chargé de givre. Il s'empressa de prendre ses pistolets. 5 hommes amenèrent la jument devant le foyer et se mirent à la dépecer avec autant d'adresse qu'auraient pu le faire des garçons bouchers de Paris. Les morceaux étaient miraculeusement enlevés et jetés sur des charbons. Le major alla se placer auprès de la femme qui avait poussé un cri d'épouvante en le reconnaissant. Il la trouva immobile, assise sur un coussin de la voiture et se chauffant. Elle le regarda silencieusement, sans lui sourire. Philippe aperçut alors près de lui le soldat auquel il avait confié la défense de la voiture. Le pauvre homme était blessé. Accablé par le nombre, il venait de céder au traînard qu'il avait attaqué, mais, comme le chien qui a défendu jusqu'au dernier moment le dîner de son maître, il avait pris sa part du butin et s'était fait une espèce de manteau avec un drap blanc. En ce moment, il s'occupait à retourner un morceau de la jument, et le major vit sur sa figure la joie que lui causaient les apprêts du festin. Le comte de Vaudière, tombé depuis 3 jours comme en enfance, restait sur un coussin près de sa femme, et regardait d'un œil fixe ces flammes dont la chaleur commençait à dissiper son engourdissement. Il n'avait pas été plus ému du danger de l'arrivée de Philippe que du combat par suite duquel sa voiture venait d'être pillée. D'abord, celui-ci saisit la main de la jeune comtesse, comme pour lui donner un témoignage d'affection, et lui exprimer la douleur qu'il éprouvait de l'avoir ainsi réduite à la dernière misère. Mais il resta silencieux près d'elle, assis sur un tas de neige qui ruisselait en fondant, et céda lui-même au bonheur de se chauffer, en oubliant le péril, en oubliant tout. Sa figure contracta malgré lui une expression de joie presque stupide, et il attendit avec impatience que le lambeau de jument donné à son soldat fût rôti. L'odeur de cette chair charbonnée irritait sa faim, et sa faim faisait taire son cœur, son courage et son amour. Il contempla sans colère les résultats du pillage de sa voiture. Tous les hommes qui entouraient le foyer s'étaient partagés les couvertures, les coussins, les pelisses, les robes, les vêtements d'hommes et de femmes appartenant au comte, à la comtesse et au major. Philippe se retourna pour voir si l'on pouvait encore tirer parti de la caisse. Il aperçut, à la lueur des flammes, l'or, les diamants, l'argenterie, éparpillés sans que personne songeât s'en approprier la moindre parcelle. Chacun des individus réunis par le hasard autour de ce feu gardait un silence qui avait quelque chose d'horrible et ne faisait que ce qu'il jugeait nécessaire à son bien-être. Cette misère était grotesque. Les figures, décomposées par le froid, étaient enduites d'une couche de boue sur laquelle les larmes traçaient, à partir des yeux jusqu'au bas des joues, un sillon qui attestait l'épaisseur de ce masque. La malpropreté de leur longue barbe rendait ces soldats encore plus hideux. Les uns étaient enveloppés dans des châles de femmes, les autres portaient des chabraques de cheval, des couvertures crottées, des haillons empreints de givre qui fondaient. Quelques-uns avaient un pied dans une botte et l'autre dans un soulier. Enfin, il n'y avait personne dont le costume n'offrit une singularité risible. En présence de choses si plaisantes, ces hommes restaient graves et sombres. Le silence n'était interrompu que par le craquement du bois, par les pétillements de la flamme, par le lointain murmure du camp et par les coups de sabre que les plus affamés donnaient à Bichette pour en arracher les meilleurs morceaux. Quelques malheureux, plus las que les autres, dormaient, et si l'un d'eux venait à rouler dans le foyer, personne ne le relevait. Ces logiciens sévères pensaient que s'il n'était pas mort, la brûlure devait l'avertir de se mettre en un lieu plus commode. Si le malheureux se réveillait dans le feu et périssait, personne ne le plaignait. Quelques soldats se regardaient, comme pour justifier leur propre insouciance par l'indifférence des autres. La jeune comtesse eut deux fois ce spectacle et resta muette. Quand les différents morceaux que l'on avait mis sur des charbons furent cuits, chacun satisfit sa faim avec ses gloutonneries qui, vues chez les animaux, nous semblent dégoûtantes. Voilà la première fois qu'on aura vu 30 fantassins sur un cheval, s'écria le grenadier qui avait abattu la jument. Ce fut la seule plaisanterie qui attesta l'esprit national. Bientôt, la plupart de ces pauvres soldats se roulèrent dans leurs habits, se placèrent sur des planches, sur tout ce qui pouvait les préserver du contact de la neige et dormirent nonchalants du lendemain. Quand le major fut réchauffé et qu'il eut apaisé sa faim, un invincible besoin de dormir lui appesantit les paupières. Pendant le temps assez court que dura son débat avec le sommeil, il contempla cette jeune femme qui, s'étant tourné la figure vers le feu pour dormir, laissait voir ses yeux clos et une partie de son front. Elle était enveloppée dans une pelisse fourrée et dans un grand manteau de dragon. Sa tête portait sur un oreiller taché de sang. Son bonnet d'astrakhan, maintenu par un mouchoir noué sous le cou, lui préservait le visage du froid autant que cela était possible. Elle s'était caché les pieds dans le manteau. Ainsi roulée sur elle-même, elle ne ressemblait réellement à rien. Était-ce la dernière des vivandières? Était-ce cette charmante femme, la gloire d'un amant, la reine des bals parisiens? Hélas, l'œil même de son ami le plus dévoué n'apercevait plus rien de féminin dans cet amas de linge et de haillons. L'amour avait succombé sous le froid, dans le cœur d'une femme, à travers les voiles épais que le plus irrésistible de tous les sommeils étendait sur les yeux du major. Il ne voyait plus le mari et la femme que comme deux points. Les flammes du foyer, ces figures étendues, ce froid terrible qui rugissait à trois pas d'une chaleur fugitive, tout était rêve. Une pensée importune effrayait Philippe. « Nous allons tous mourir si je dors. Je ne veux pas dormir, » se disait-il. Il dormait. Une clameur terrible et une explosion réveillèrent M. de Sucy après une heure de sommeil. Le sentiment de son devoir, le péril de son ami, retombèrent tout à coup sur son cœur. Il jeta un cri semblable à un rugissement. Lui et son soldat étaient seuls debout. Ils virent une mer de feu qui découpait devant eux, dans l'ombre de la nuit, une foule d'hommes en dévorant les bivouacs et les cabanes. Ils entendirent des cris de désespoir, des hurlements. Ils aperçurent des milliers de figures désolées et de faces furieuses. Au milieu de cet enfer, une colonne de soldats se faisait un chemin vers le pont entre deux haies de cadavres. « C'est la retraite de notre arrière-garde, » s'écria le major, « plus d'espoir. » « J'ai respecté votre voiture, Philippe, » dit une voix amie. En se retournant, Sucy reconnut le jeune aide de camp à la lueur des flammes. « Ah, tout est perdu, » répondit le major. « Ils ont mangé mon cheval. D'ailleurs, comment pourrais-je faire marcher ce stupide général et sa femme? Prenez un tison, Philippe, et menacez-les. Menacez la comtesse. Adieu !» s'écria l'aide de camp. « Je n'ai que le temps de passer cette fatale rivière, et il le faut. J'ai une mère en France. Quelle nuit !» Cette foule aime mieux rester sur la neige, et la plupart de ces malheureux se laissent brûler plutôt que de se lever. Il est 4 heures, Philippe. Dans 2 heures, les Russes commenceront à se remuer. Je vous assure que vous verrez la Bérésina encore une fois chargée de cadavres. Philippe, songez à vous. Vous n'avez pas de chevaux, vous ne pouvez pas porter la comtesse. Ainsi, allons, venez avec moi, dit-il en le prenant par le bras. Mon ami, abandonnez Stéphanie. Le major saisit la comtesse, la mit debout, la secoua avec la rudesse d'un homme au désespoir et la contraignit de se réveiller. Elle le regarda d'un œil fixe et mort. « Il faut marcher, Stéphanie, ou nous mourrons ici. » Pour toute réponse, la comtesse essayait de se laisser aller à terre pour dormir. L'aide de camp saisit un tison et l'agita devant la figure de Stéphanie. « Sauve-la malgré elle !» s'écria Philippe en soulevant la comtesse, qu'il porta dans la voiture. Il revint implorer l'aide de son ami. Tous deux prirent le vieux général, sans savoir s'il était mort ou vivant, et le mirent auprès de sa femme. Le major fit rouler avec le pied chacun des hommes qui gisaient à terre, leur reprit ce qu'ils avaient pillé, entassa toutes les hardes sur les deux époux et jeta dans un coin de la voiture quelques lambeaux rôtis de sa jument. « Que voulez-vous donc faire ? » lui dit l'aide de camp. « La traîner, » dit le major. « Vous êtes fou !»« C'est vrai !» s'écria Philippe en se croisant les bras sur la poitrine. Il parut tout à coup saisi par une pensée de désespoir. « Toi !» dit-il en saisissant le bras valide de son soldat. « Je te la confie pour une heure. Songe que tu dois plutôt mourir que de laisser approcher qui que ce soit de cette voiture. » Le major s'empara des diamants de la comtesse, les tint d'une main, tira de l'autre son sabre, se mit à frapper rageusement ceux des dormeurs qu'il jugeait devoir être les plus intrépides, et réussit à réveiller le grenadier colossal et deux autres hommes dont il était impossible de connaître le grade. « Nous sommes flambés, » leur dit-il. « Je le sais bien, » répondit le grenadier, « mais ça m'est égal. Eh bien, mort pour mort, ne vaut-il pas mieux vendre sa vie pour une jolie femme et risquer de revoir encore la France ?»« J'aime mieux dormir, » dit un homme en se roulant sur la neige. « Et si tu me tracasses encore, major, je te fiche mon briquet dans le ventre. »« De quoi s'agit-il, mon officier ?» reprit le grenadier. « Cet homme est ivre, c'est un Parisien. Ça aime ses aises. »« Ceci sera pour toi, brave grenadier, » s'écria le major en lui présentant une rivière de diamants. « Si tu veux me suivre et te battre comme un enragé, les Russes sont à 10 minutes de marche, ils ont des chevaux. Nous allons marcher sur leur première batterie et ramener deux lapins. Mais les sentinelles, major, l'un de nous trois, » dit-il au soldat. Il s'interrompit, regarda l'aide de camp. « Vous venez, Hippolyte, n'est-ce pas ?» Hippolyte consentit par un signe de tête. « L'un de nous, » reprit le major, « se chargera de la sentinelle. D'ailleurs, ils dorment peut-être aussi, ces sacrés Russes. » « Bah, major, tu es un brave, mais tu me mettras dans ton berlingot, » dit le grenadier. « Oui, si tu ne laisses pas ta peau là-haut, si je succombais, Hippolyte. Et toi, grenadier, » dit le major en s'adressant à ses deux compagnons, « promettez-moi de vous dévouer au salut de la comtesse. »« Convenu, » s'écria le grenadier. Ils se dirigèrent vers la ligne russe, sur les batteries qui avaient si cruellement foudroyé la masse de malheureux gisant sur le bord de la rivière. Quelques moments après leur départ, le galop de deux chevaux retentissait sur la neige, et la batterie réveillée envoyait des bolets qui passaient sur la tête des dormeurs. Le pas des chevaux était si précipité qu'on eût dit des maréchaux battant un fer. Le généreux aide-de-camp avait succombé. Le grenadier athlétique était sain et sauf. Philippe, en défendant son ami, avait reçu un coup de baïonnette dans l'épaule. Néanmoins, il se cramponnait au crin du cheval et le serrait si bien avec ses jambes que l'animal se trouvait pris comme dans un étau. « Dieu soit loué !» s'écria le major en retrouvant son soldat immobile et la voiture à sa place. « Si vous êtes juste, mon officier, vous me ferez avoir la croix. Nous avons joliment joué de la clarinette et du bancal, hein ? Nous n'avons encore rien fait. Attelons les chevaux, prenez ces cordes. Il n'y en a pas assez. Eh bien, grenadier, mettez-moi la main sur ces dormeurs et servez-vous de leur châle, de leur linge. Tiens, il est mort, ce farceur-là » s'écria le grenadier en dépouillant le premier auquel il s'adressa. « Ah, cette farce, ils sont morts. Tous ? Oui, tous. Il paraît que le cheval est indigeste quand on le mange à la neige. » Ces paroles firent trembler Philippe. Le froid avait redoublé. « Dieu, perdre une femme que j'ai déjà sauvée 20 fois !» Le major secoua la comtesse en criant « Stéphanie, Stéphanie !» La jeune femme ouvrit les yeux. « Madame, nous sommes sauvés. »« Sauvés ?» répéta-t-elle en retombant. Les chevaux furent attelés tant bien que mal. Le major, tenant son sabre de sa meilleure main, gardant les guides de l'autre, armé de ses pistolets, monta sur un des chevaux et le grenadier sur le second. le vieux soldat, dont les pieds étaient gelés, avait été jeté en travers de la voiture sur le général et sur la comtesse. Excités à coups de sabre, les chevaux emportèrent l'équipage avec une sorte de furie dans la plaine où d'innombrables difficultés attendaient le major. Bientôt il fut impossible d'avancer sans risquer d'écraser des hommes, des femmes et jusqu'à des enfants endormis qui tous refusaient de bouger quand le grenadier les éveillait. En vain M. de Sucy chercha-t-il la route que l'arrière-garde s'était frayée naguère au milieu de cette masse d'hommes. Elle s'était effacée comme s'efface le sillage du vaisseau sur la mer. Il n'allait qu'au pas, le plus souvent arrêté par des soldats qui le menaçaient de tuer ses chevaux. « Voulez-vous arriver ?» lui dit le grenadier. « Au prix de tout mon sang, au prix du monde entier !» répondit le major. « Marche, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs !» Et le grenadier de la garde poussa les chevaux sur les hommes, ensanglanta les roues, renversa les bivouacs, en se traçant en double sillon de mort à travers ce champ de tête. Mais rendons-lui la justice de dire qu'il ne se fit jamais faute de crier d'une voix tonnante. « Garde donc, charogne !»« Les malheureux !» s'écria le major. « Oh, ça ou le froid, ça ou le canon !» dit le grenadier, en animant les chevaux et les piquant avec la pointe de son briquet. Une catastrophe qui aurait dû leur arriver bien plus tôt, et dont un hasard fabuleux les avait préservés jusque-là, vint tout à coup les arrêter dans leur marche. La voiture versa. « Je m'y attendais !» s'écria l'imperturbable grenadier. « Oh, le camarade est mort !»« Pauvre Laurent !» dit le major. « Laurent, n'est-il pas du 5e chasseur ?»« Oui. » « C'est mon cousin. »« Bon, la chienne de vie n'est pas assez heureuse pour qu'on la regrette par le temps qu'il fait. » La voiture ne fut pas relevée. Les chevaux ne furent pas dégagés sans une perte de temps immense, irréparable. Le choc avait été si violent que la jeune comtesse, réveillée et tirée de son engourdissement par la commotion, se débarrassa de ses vêtements et se leva. « Philippe, où sommes-nous ? » s'écria-t-elle d'une voix douce en regardant autour d'elle. « À 500 pas du pont, nous allons passer la Bérézina. De l'autre côté de la rivière, Stéphanie, je ne vous tourmenterai plus. Je vous laisserai dormir. Nous serons en sûreté. Nous gagnerons tranquillement, Vilna. Dieu veuille que vous ne sachiez jamais ce que votre vie aura coûté. Tu es blessé, ce n'est rien. » L'heure de la catastrophe était venue. Le canon des Russes annonça le jour. Maître de Studianka, ils foudroyèrent la plaine. Et aux premières lueurs du matin, le major aperçut leurs colonnes se mouvoir et se former sur les hauteurs. Un cri d'alarme s'éleva du sein de la multitude, qui fut debout en un moment. Chacun comprit instinctivement son péril, et tous se dirigèrent vers le pont par un mouvement de vague. Les Russes descendaient avec la rapidité de l'incendie. Hommes, femmes, enfants, chevaux, tout marcha sur le pont. Heureusement, le major et la comtesse se trouvaient encore éloignés de la rive. Le général Eblé venait de mettre le feu au chevalet de l'autre bord. Malgré les avertissements donnés à ceux qui envahissaient cette planche de salut, personne ne voulut reculer. Non seulement le pont s'abîma chargé de monde, mais l'impétuosité du flot d'hommes lancé vers cette fatale berge était si furieuse qu'une masse humaine fut précipitée dans les eaux comme une avalanche. On n'entendit pas un cri, mais le bruit sourd d'une pierre qui tombe à l'eau. Puis la Bérézina fut couverte de cadavres. Le mouvement rétrograde de ceux qui se reculèrent dans la plaine pour échapper à cette mort fut si violent, et leur choc contre ceux qui marchaient en avant fut si terrible, qu'un grand nombre de gens moururent étouffés. Le comte et la comtesse de Vandières durent la vie à leur voiture. Les chevaux, après avoir écrasé, pétri une masse de mourants, périrent écrasés, foulés aux pieds par une trombe humaine qui se porta sur la rive. Le major et le grenadier trouvèrent leur salut dans leur force. Ils tuaient pour n'être pas tués. Cet ouragan de faces humaines, ce flux et reflux de corps animés par un même mouvement, eut pour résultat de laisser pendant quelques moments la rive de la Bérézina déserte. La multitude s'était rejetée dans la plaine. Si quelques hommes se lancèrent à la rivière du haut de la berge, ce fut moins dans l'espoir d'atteindre l'autre rive, pour eux était la France, que pour éviter les déserts de la Sibérie. Le désespoir devint une égide pour quelques gens hardis. Un officier sauta de glaçon en glaçon jusqu'à l'autre bord. Un soldat rampa miraculeusement sur un amas de cadavres et de glaçons. Cette immense population finit par comprendre que les Russes ne tueraient pas 20 000 hommes sans armes, engourdis, stupides, qui ne se défendaient pas, et chacun attendit son sort avec une horrible résignation. Alors, le major, son grenadier, le vieux général et sa femme restèrent seuls à quelques pas de l'endroit où était le pont. Ils étaient là, tous quatre debout, les yeux secs, silencieux, entourés d'une masse de morts. Chaque soldat valide, quelques officiers auxquels la circonstance rendait toute leur énergie, se trouvaient avec eux. Ce groupe assez nombreux comptait environ 50 hommes. Le major aperçut à 200 pas de là les ruines du pont fait pour les voitures et qui s'était brisé l'avant-veille. « Construisons un radeau » s'écria-t-il. À peine avait-il laissé tomber cette parole que le groupe entier courut vers ces débris. Une foule d'hommes se mit à ramasser des crampons de fer, à chercher des pièces de bois, des cordes, enfin tous les matériaux nécessaires à la construction du radeau. Une vingtaine de soldats et d'officiers armés formèrent une garde commandée par le major pour protéger les travailleurs contre les attaques désespérées que pourrait tenter la foule en devinant leur dessein. Le sentiment de la liberté qui anime les prisonniers et leur inspire des miracles ne peut pas se comparer à celui qui faisait agir en ce moment ces malheureux Français. « Voilà les Russes ! Voilà les Russes !» criaient aux travailleurs ceux qui les défendaient. Et les bois criaient, le plancher croissait de largeur, de hauteur, de profondeur. Généraux, soldats, colonels, tous pliaient sous le poids des roues, des fers, des cordes, des planches. C'était une image réelle de la construction de l'arche de Noé. La jeune comtesse, assise auprès de son mari, contemplait ce spectacle avec le regret de ne pouvoir contribuer en rien à ce travail. Cependant, elle l'aidait à faire des nœuds pour consolider les cordages. Enfin, le radeau fut achevé. 40 hommes le lancèrent dans les eaux de la rivière, tandis qu'une dizaine de soldats tenaient les cordes qui devaient servir à l'amarrer près de la berge. Aussitôt que les constructeurs virent leur embarcation flottant sur la Bérézina, ils s'y jetèrent du haut de la rive avec un horrible égoïsme. Le major, craignant la fureur de ce premier mouvement, tenait Stéphanie et le général par la main. Mais il frissonna quand il vit l'embarcation noire de monde et les hommes pressés dessus comme des spectateurs au parterre d'un théâtre. « Sauvage ! » s'écria-t-il. « C'est moi qui vous ai donné l'idée de faire le radeau. Je suis votre sauveur, et vous me refusez une place !» Une rumeur confuse servit de réponse. Les hommes placés au bord du radeau et armés de bâtons qu'ils appuyaient sur la berge poussaient avec violence le train de bois pour le lancer vers l'autre bord et lui faire fendre les glaçons et les cadavres. « Tonnerre de Dieu ! Je vous fiche à l'eau si vous ne recevez pas le major et ses deux compagnons !» s'écria le grenadier, qui leva son sabre, empêcha le départ et fit serrer les rangs malgré des cris horribles. « Je vais tomber, je tombe !» criaient ses compagnons. « Partons, en avant !» Le major regardait d'un œil sec sa maîtresse, qui levait les yeux au ciel par un sentiment de résignation sublime. « Mourir avec toi !» dit-elle. Il y avait quelque chose de comique dans la situation des gens installés sur le radeau. Quoiqu'ils poussassent des rugissements affreux, aucun d'eux n'osait résister aux grenadiers, car ils étaient si pressés qu'il suffisait de pousser une seule personne pour tout renverser. Dans ce danger, un capitaine essaya de se débarrasser du soldat qui aperçut le mouvement hostile de l'officier, le saisit et le précipita dans l'eau en lui disant « Ah, canard, tu veux boire ? Bah !»« Voilà deux places !» s'écria-t-il. « Allons, major, jetez-nous votre petite femme et venez, laissez ce vieux roquentin qui crèvera demain !» « Dépêchez-vous !» cria une voix composée de 100 voix. « Allons, major, ils grognent les autres, ils ont raison !» Le comte de Vandières se débarrassa de ses vêtements et se montra debout dans son uniforme de général. « Sauvons le comte !» dit Philippe. Stéphanie serra la main de son ami, se jeta sur lui et l'embrassa par une horrible étreinte. « Adieu » dit-elle. Il s'était compris. Le comte de Vandières retrouva ses forces et sa présence d'esprit pour sauter dans l'embarcation où Stéphanie le suivit après avoir donné un dernier regard à Philippe. « Major, voulez-vous ma place ? Je me moque de la vie !» s'écria le grenadier. « Je n'ai ni femme, ni enfant, ni mère !»« Je te les confie !» cria le major en désignant le comte et sa femme. « Soyez tranquille, je n'aurai soin comme de mon œil !» Le radeau fut lancé avec tant de violence vers la rive opposée à celle où Philippe restait immobile, qu'en touchant terre, la secousse ébranla tout. Le comte, qui était au bord, roula dans la rivière. Au moment où il y tombait, un glaçon lui coupa la tête et la lança au loin comme un boulet. « Hein, major !» cria le grenadier. « Adieu !» cria une femme. Philippe de Sucy tomba glacé d'horreur, accablé par le froid, par le regret et par la fatigue.